الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 29 dans l'explication du livre Le Sharh de Kitab al-Tawhid du Sheikh Abdurrahman ibn Hassan qui s'intitule Qurratu Uyun al-Muwahidin avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan dans Al-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Et on est arrivé donc toujours dans le deuxième chapitre, yani bab fadl al-tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Et on est dans le premier hadith que le Sheikh a mentionné, Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, yani lorsque il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les différentes catégories de, ou les différentes paroles du témoignage lorsque quelqu'un témoigne de la foi en l'islam, et c'est le hadith de Ubadat ibn Samit. Et donc dans ce hadith là on voit que lorsque quelqu'un fait le témoignage de l'islam, surtout par exemple si quelqu'un se convertit à l'islam et qu'il était chrétien, il n'y a pas de mal de lui ajouter par exemple cet aspect-là de la foi, comme par exemple s'il dit ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna muhammadan rasulullah, ça le fait rentrer dans l'islam. Mais il n'y a pas de mal aussi de rajouter par exemple wa anna isa abdullah wa rasulu, dans le sens de lui faire témoigner que Isa alayhi salam, Jésus, c'est un serviteur d'Allah et son messager et non pas un dieu ou fils de dieu ou des trucs comme ça, pour être certain qu'il a bien compris la aqidah du tawhid et la aqidah de l'islam et qu'il entre dans l'islam avec la compréhension de ce que signifie la ilaha illallah. Parce que si il entre dans l'islam mais il n'a pas bien compris encore la réalité de ce que signifie le tawhid et que Isa alayhi salam c'est pas Dieu incarné, eh bien son témoignage ne sera pas valable. Si quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mais il n'a pas compris la réalité de ce que ça implique et que la réalité de ce que ça implique par rapport à la croyance par rapport à Isa, à Jésus, eh bien ça fait que son témoignage il ne sera pas valable. Pour que le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah soit valable, il faut que la personne ait compris le tawhid et ait une bonne aqidah, elle ait compris que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que c'est le seul, c'est l'unique, et qu'il n'a pas de femme, il n'a pas de fils. Il n'est pas incarné dans un être humain ou dans un animal, comme la croyance des hindous ou des chrétiens. Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc on est arrivé à la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa anna al-jannata haqq, le paradis est vérité, est véridique ou est vérité. Et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il explique ça. Il dit wa qawluhu wa anna al-jannata haqq a'addaha Allah lil-mu'minina yawm al-qiyamah wa ma fiha min al-qusur wath-thimar wal-fawakih wan-na'im al-muqim wan-nazar ila wajhi Allah al-karim kama qala ta'ala 'ata'an ghayra majzuz wa qala ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun جزاء بما كانوا يعملون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc que le paradis est vérité et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour les croyants au jour de la résurrection, et avec ce qu'il y a dedans comme palais, les croyants ils vont avoir dans le paradis des palais et des fruits, et des délices éternels, et parmi tous les délices, le plus grand de tout, de tous les délices du paradis, c'est de pouvoir regarder le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de délice plus immense que ce délice-là. Et le Cheikh, il a mentionné un verset dans Surat Hud, qui est le verset 108, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ata'an ghayra majzouz. Qu'est-ce que ça veut dire ghayra majzouz? Ça veut dire yani, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. C'est-à-dire il va jamais cesser ce don-là. Gagné, c'est le paradis, c'est des délices mais éternels. C'est-à-dire il n'y a pas de fin. C'est pas comme la vie d'ici-bas. Si quelqu'un, par exemple, dans cette vie, il a un plaisir ou un délice quelconque ou un bien quelconque, mais malheureusement, il ne peut pas en jouir éternellement. Tandis que dans le paradis, il pourra justement en jouir éternellement et avoir le bonheur éternel. Il dit, قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Des fois les gens ils disent comme si par exemple dans cette vie on a l'habitude de dire par exemple que étant donné que dans cette vie il y a des malheurs, il y a des bonheurs, il y a du bien, il y a du mal, il y a des joies, il y a des peines, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a toutes sortes de contraires et d'opposés, et les gens parfois ils disent c'est ce qui nous fait voir la valeur du bien. Quand par exemple quelqu'un il lui arrive quelque chose de mal, eh bien ça aide à être plus reconnaissant par la suite lorsqu'il lui arrive un bien dans sa vie par la suite. Ou quand par exemple une journée il fait gris et il pleut, ça te fait apprécier plus les jours quand il fait beau, quand il fait chaud. Donc les gens sont habitués à vivre dans les opposés et d'avoir des sentiments ou bien des situations qui sont contraires, et dans cette vie d'ici-bas on est habitué à ça, donc on s'imagine que si c'était autrement, peut-être que parfois ça ne serait pas aussi on n'apprécierait pas autant le bien. Certaines personnes peuvent penser ça. Mais en réalité, on n'a jamais vécu un délice ou un plaisir éternel comme celui du paradis. Mais en même temps, c'est un plaisir dans le paradis qui augmente constamment. C'est-à-dire que dans le paradis, le bien, il est toujours plus. Il est toujours en augmentant. C'est pas quelque chose qui est c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est pareil tout le temps, c'est quelque chose qui devient de plus en plus parfait et qui est de plus en plus délicieux et bon et merveilleux. C'est-à-dire que les plaisirs des croyants augmentent de la même manière que les gens qui sont dans l'enfer, leur châtiment augmente aussi avec le temps, et aussi en même temps je me disais que peut-être que justement le fait que les croyants vont pouvoir voir les koufas dans l'enfer qui se font châtier, c'est ça justement qui va augmenter leur plaisir et leur reconnaissance envers Allah. Le fait qu'ils voient que, subhanallah, eux ils voient leur sort, ils disent « Alhamdulillah que Allah il nous a donné cette grâce ». Et en même temps aussi ceux qui sont dans l'enfer et qui voient, qui peuvent voir les gens qui sont dans le paradis en train de jouir des délices éternels, eh bien ça aussi ça leur fait toujours augmenter dans leur châtiment et dans leur remords, et ça c'est un châtiment immense pour eux, non seulement physique, qu'ils ressentent avec le feu qui les brûle et tous les châtiments qui sont autour d'eux, mais également le châtiment intérieur, des remords qu'ils ressentent et du des hein, d'avoir désobéi, d'avoir renié les messagers, d'avoir refusé de croire, de s'être détourné, d'avoir été orgueilleux. Tout ça, ils le ressentent et ça augmente avec le châtiment. Et ça, c'est terrible. Hein? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans une sourate dans le Coran, il dit التي تطلع على الأفئدة, يعني le feu, les flammes de l'enfer, elles entrent même jusque dans le cœur, elles brûlent même le cœur. Hein? Donc c'est pas l'extérieur seulement qui brûle, mais même l'intérieur aussi. Donc nasallallahu al-afiya, que Allah nous préserve de ce châtiment là. Mais ça c'est important. Et aussi dans le verset 17 dans sourate As-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et aucune âme ne sait ce qui a été caché pour elle comme plaisir de leurs yeux, hein, comme délice pour leurs yeux, ou plaisir pour leurs yeux, comme rétribution pour ce qu'ils ont fait comme action et comme œuvre. Et le cheikh il mentionne, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, il dit هذا رفع لشأن, on a lu ça hier, ici le point c'est ça, c'est وهذا رد على المشركين الذين ينكرون البعث وهذا كثير في القرآن الكريم وفيه براءة من دين المشركين لما ذكر البراءة من دين اليهود والبراءة من دين النصارى ذكر البراءة من دين المشركين. Donc le cheikh explique que quand le prophète sallam dit وأن الجنة حق, c'est en même temps pour réfuter les mouchriquins qui, eux, ne croient pas en la résurrection. Les mouchriquins, ils ne croyaient pas que Allah subhanahu wa ta'ala allait, hein, ressusciter les morts et qu'il allait, hein, les juger et qu'il y allait avoir un paradis ou un enfer après la mort. Parce que eux, ils ne croient qu'en cette vie d'ici-bas. Ils disent in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرِ, hein? Il n'y a que cette vie d'ici-bas. Hein? On meurt et on vit. Il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps qui passe. Et ça, c'est, hein, pour les réfuter, en fait. Et donc, le cheikh, il dit ça, il y en a beaucoup de versets comme ça dans le Coran. Et c'est un désaveu de la religion des mouchriquins. Et un désaveu de, donc, un désaveu des mouchriquins qui nient la foi en l'au-delà et en la résurrection. Et le cheikh il dit, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de réfuter les juifs et les chrétiens, eh bien maintenant il se désavoue de la religion des mouchriquins, hein, en affirmant la foi en le paradis. Et il dit ensuite, donc on va expliquer la suite, il dit le cheikh Abdurrahman ibn Hassan وَالنَّارُ حَقْ أَعَدَّهَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ كَفَرَ بِهِ وأشرك به في إلهيته وربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسول والمرسل فقد كفر بالقرآن والرسول والمرسل فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم وذكر أنها دار المتقين وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. Et نعم. Donc le cheikh il explique que le feu de l'enfer, c'est une vérité, c'est une réalité, et Allah l'a préparé pour ceux qui ont renié la foi en lui ou qui ont fait le shirk avec lui, soit dans son adoration, la uluhiyya, ou bien soit dans la rububiyya, le fait qu'il soit le seul seigneur. Donc ils lui ont donné des égaux et ils ont attribué des seigneurs avec lui, ou bien ils ont renié certains de ses noms et certains de ses attributs, ou ils les ont déformés, hein, ou ils ont fait des ressemblances entre le créateur et la créature, et ainsi de suite, hein. Donc tout ça c'est des exemples de ceux qui mériteront, hein, le châtiment de l'enfer. Ou bien celui qui n'a pas cru au paradis et à l'enfer, hein, ou qui s'en est moqué, ou celui qui a renié la foi en le Coran ou en le messager ou en celui qui l'a envoyé, hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié que le paradis, hein, que Allah a préparé pour les pieux, hein, avec des délices éternels, est une vérité, et il a mentionné que c'est la demeure des pieux, de ceux qui se préservent d'Allah et de son châtiment, et il a mentionné également que l'enfer et ce qu'il y a dedans comme châtiment, hein, il l'a préparé pour les mécréants et les mouchriquins, ceux qui ont fait le kufr, ceux qui ont renié la foi en Allah et en sa religion et qui ont commis le shirk avec lui. Et le shaykh, il explique ensuite à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hein, donc celui qui a dit toutes ces phrases-là et qui a cru en tout ce qui est mentionné dans ces phrases, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc je vais relire le hadith, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان من العمل أخرجاه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc celui qui a témoigné de toutes ces choses, Allah va le faire rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action, avec ce qu'il avait comme action. Et le cheikh, il mentionne ici, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique, il dit, jawabun min ash-shartiyya ay man shahida an la ilaha illallah ila akhirih adkhalahu Allah al-jannah ay bi ikhlasihi wa sidqihi wal iman bi rasulih wa ma ursila bihi وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وآمن بالجنة والنار فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم والله أعلم. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique, il dit, donc cette phrase, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action, c'est la réponse à la condition qui est mentionnée dans le hadith de celui qui témoigne de telle chose et de telle chose et de telle chose et de telle chose. La réponse, c'est quoi, ou la conclusion, c'est quoi? Eh bien, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Et le cheikh, il explique, Abdurrahman ibn Hassan, il dit, c'est-à-dire celui qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, hein, ainsi de suite. Et Allah le fera rentrer au paradis, c'est-à-dire à cause de sa sincérité, de sa pureté d'intention, de sa véracité, de sa foi en son messager et en ce avec quoi il a été envoyé, et qui a contredit les chrétiens et les juifs dans leur extrémisme et dans leur manque de respect envers Isa alayhi salam, et qu'il a su avec certitude qu'il n'était qu'un messager, hein, un serviteur d'Allah et un messager d'Allah, et qui a cru en le paradis et en l'enfer. Celui qui est de cette façon et qui a cette description, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis, même si dans ses œuvres il avait des manquements ou qu'il avait commis certains péchés. Hein? Et c'est ça le grand bien qui découle, hein, de ce témoignage de la ilaha illallah, qui fait pencher la balance, hein, malgré la quantité de tous les péchés que la personne a pu commettre. La ilaha illallah dans la balance est plus lourd que tous ses péchés. Donc c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que même si la personne, elle a commis des péchés et qu'elle va, par exemple, elle peut être soit pardonnée et Allah lui fait miséricorde, il le fait rentrer au paradis directement, ou bien si Allah subhanahu wa ta'ala décide de le châtier par sa justice, hein, eh bien, il ne va pas demeurer éternellement en enfer, il va sortir de l'enfer éventuellement à cause du témoignage de la ilaha illallah et à cause de son tawhid. Donc ça, c'est une des plus grandes grâces. Et donc le cheikh, il dit, il faut méditer donc sur ce hadith-là, car c'est un hadith extrêmement important. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, hafazahullah ta'ala, il dit, « هذا من جواب من الشرطية التي جاءت في أول الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى آخر الحديث فدل هذا على أن من لم يأتي بهذه الأمور كلها وأنه ليس من أهل الجنة. Donc le cheikh il explique que donc le min qui est au début de ce hadith, ou le man plutôt, man shahida, c'est un man qu'on appelle en langue arabe, dans la grammaire arabe, on l'appelle man ash-shartiyya. Et ash-shartiyya, c'est-à-dire c'est le man du conditionnel. C'est-à-dire que quiconque a témoigné de la ilaha illallah et yani wahdahu la sharika lah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et tous les éléments qui sont mentionnés par la suite, donc quiconque a témoigné, ou celui qui a témoigné de ça, hein, s'il témoigne de ça avec foi et sincérité, il aura la condition, il aura la réponse de cette condition, c'est-à-dire Allah le fera rentrer au paradis. Mais le cheikh, il mentionne quand même que quiconque par contre n'a pas ramener tous les éléments qui sont mentionnés dans le hadith et qui n'a pas cru en tout ce qui est mentionné dans le hadith, hein, comme condition, eh bien il n'aura pas la récompense, hein, qui est mentionnée dans ce hadith, parce que ça c'est des éléments qui sont des fondements de la foi. Donc si quelqu'un dit par exemple, moi je ne crois pas au paradis, même s'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il ne va pas être au paradis, parce que de renier la foi en le paradis, c'est une forme de kufr, c'est un acte de kufr, et ça annule le témoignage de la ilaha illallah. Donc il faut, hein, avoir tous ces éléments là réunis ensemble. Et le cheikh il explique ensuite, yani quand le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il explique, hein, qu'est-ce que ça implique, de cette promesse et ce hadith là, il dit hada fihi fadl at-tawhid wa fihi shahid lil-bab li'anna al-bab fi bayan fadl at-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub wa hadha ash-shahid min al-hadith adkhalahu Allah al-jannah natijatan litawhidihi. Donc il dit ça nous montre le mérite du tawhid, le grand mérite du tawhid. Et c'est un témoin pour le chapitre et pour le titre du chapitre, puisque le chapitre s'intitule yani le mérite du tawhid et ce qu'il vient expier comme péché, hein. Et donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce titre là et du hadith qui est relié au chapitre, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit adkhalahu Allahu al-jannah, c'est-à-dire que le résultat d'avoir établi le tawhid et d'avoir cru en le tawhid, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, va te faire rentrer au paradis. Et il va te, même si tu avais commis des péchés, eh bien, yani, du moment que tu étais sur le tawhid, ça veut dire que tôt ou tard, tu rentreras au paradis pour y demeurer éternellement. Le cheikh, il explique ensuite, فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ مَنْ خَالَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ وَالْمُشْرِكِينَ adkhalahu Allahu al-jannah. C'est-à-dire quiconque parmi les gens a contredit les juifs et les chrétiens et les mushrikines dans leur croyance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va, hein, le faire rentrer au paradis. Et bien entendu, il contredit dans leur croyance et également dans les pratiques, parce que si par exemple quelqu'un dit moi je suis contre la croyance des chrétiens, mais que ensuite il prie à Jésus, donc on va dire tu contredis la croyance, puis tu fais la même chose que eux. Ça, c'est une contradiction, hein. Et ça, c'est l'exemple de celui qui dit, hein, je crois au tawhid, puis qui après fait du shirk. C'est comme s'il dit, je rejette la croyance des chrétiens, mais après il va adorer Jésus ou prier à Jésus. Ça, c'est une contradiction. Et le cheikh, il explique ensuite par rapport à la parole, وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَدْخَلَهُ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مُقَسِّرًا وَلَهُ ذُنُوبٌ. C'est-à-dire que quiconque a les éléments qui sont mentionnés dans ce hadith, Allah va le faire rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme manquement et comme péché. Même s'il avait commis des péchés, même s'il avait des manquements dans sa foi, dans sa religion. Il était faible dans sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer au paradis malgré ça. Et il explique, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وإن كان عنده ذنوب فإنه يدخل الجنة برحمة الله تعالى إما أن يدخلها من أول وهلة بأن يغفر الله ذنوبه ويدخله الجنة بدون عذاب وإنما أن يعذب وإنما أن يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك وهذا فيه بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il va le faire rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action, c'est-à-dire malgré les péchés qu'il avait faits. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer au paradis par sa miséricorde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il va rentrer du premier coup au paradis et que Allah va lui pardonner ses péchés. Ça c'est dans le cas de la personne qui meurt parmi les musulmans, il meurt sur le tawhid, mais il avait des grands péchés qu'il commettait et il ne s'en était pas repenti avant de mourir. Donc il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui faire miséricorde et lui pardonner ses péchés, il va lui pardonner ses péchés et le faire rentrer au paradis directement, sans le châtier. Toutefois, c'est possible qu'il soit châtié pour certains de ses péchés par la justice d'Allah. Allah va le nettoyer, le purifier de ces péchés-là. Donc il entrera dans l'enfer pour un certain temps. Puis, éventuellement, il sortira de l'enfer et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite le fera entrer au paradis. Donc ça c'est le sort des musulmans parmi les gens du tawhid. C'est soit qu'ils rentrent au paradis directement ou soit qu'ils y rentrent après avoir passé un certain temps en enfer. Mais dans tous les cas, ils vont au paradis, ils vont y demeurer pour l'éternité, ça c'est certain. Et ça c'est le grand mérite du tawhid et d'avoir cru en l'unicité d'Allah et de l'avoir mis en pratique et en application. Et donc c'est pour ça que parfois certains musulmans, ils lisent les versets du Coran qui parlent des châtiments de l'enfer. Et en général, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des châtiments de l'enfer, il mentionne que c'est pour les mécréants, pour les kafirines et pour les mushrikines. Alors certains musulmans parfois ils disent, ah, moi j'ai pas besoin d'avoir peur de l'enfer parce que je suis musulman. Et ça, ces châtiments-là, c'est seulement pour les koufars. Donc, la crainte de l'enfer, j'ai pas besoin de l'avoir. Et ça, c'est une erreur, pour plusieurs raisons. Et parmi les raisons, le fait que le châtiment de l'enfer est pour les mécréants. Et toi, tu te dis, moi, je suis musulman. Mais qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir musulman? Ça, c'est de un. T'as aucune garantie et aucune garantie ou aucune certitude qui fait que tu peux être certain que lorsque tu vas mourir, tu vas être musulman. Parce que c'est possible que tu t'égares ou que tu tombes dans une déviation à cause de certains péchés ou à cause de ton manque de sincérité ou à cause de quelque chose que tu as fait, que Allah te punisse en tombant dans des exemples de mécréance. Et que par conséquent tu quittes l'islam avant ta mort ou que tu tombes dans le shirk avant ta mort. Donc à cause de ça tu meurs mécréant, que Allah nous préserve. Hein, qu'Allah nous préserve de ça. Et la deuxième exemple, une deuxième possibilité aussi, c'est que malgré que tu meurs musulman, ça ne veut pas dire que parce que tu es mort musulman, que tu vas pas avoir commis certains péchés qui méritent d'être châtiés, qui méritent d'être purifiés, qui méritent d'être, hein, qui méritent d'être nettoyés par le feu. Et comme les ulama de l'islam ont clarifié, c'est que la personne qui a commis des péchés parmi les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui expier ces péchés-là de différentes manières. Soit par, par exemple dans cette vie d'ici-bas, le croyant lorsqu'il subit une maladie, ou lorsqu'il subit des épreuves, hein, ou lorsqu'il a de la fatigue, ou des douleurs, ou des choses comme ça, pour ça, hein, quand il reçoit ou il subit ces choses-là et qu'il les accepte comme venant d'Allah et comme étant prédestiné par Allah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie des péchés pour ça. Même une épingle ou une aiguille qui le pique, hein, Allah lui efface des péchés pour ça. Donc ça, c'est une façon par laquelle Allah expie les péchés des croyants. Lorsqu'il est malade, lorsqu'il a une perte de vie ou un malheur qui lui arrive ou quelque chose dans sa vie, Allah lui efface des péchés pour ça. Également, qu'est-ce qu'il peut y arriver, par exemple, s'il commet un crime et qu'on a appliqué sur lui une peine. Eh bien, cette peine-là sera une expiation aussi pour ce péché-là. Donc, il va sortir de cette vie sans avoir à payer de conséquences ou à être châtié pour le péché, parce qu'il a déjà été châtié pour ce péché-là dans cette vie d'ici-bas. Hein? Donc il n'aura pas de châtiment pour ce péché-là dans l'au-delà. Ou bien également dans la tombe. Si la personne a été châtiée dans le châtiment de la tombe pour les péchés qu'il a commis et que le châtiment qu'il a reçu correspond à la quantité de péchés qu'il avait commis, eh bien dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement dernier, à la résurrection, eh bien, il ne va pas le châtier en enfer parce qu'il a déjà été purifié pour ces péchés-là dans le châtiment de la tombe. Et si jamais, par exemple, la personne arrivait au jour de la résurrection, tout ça n'a pas été suffisant pour expier et effacer tout ce qu'il avait commis comme péché, après avoir subi des malheurs, des maladies, des fatigues, ou après avoir subi des peines de la charia, ou bien après avoir eu un châtiment de la tombe, malgré ça, il lui reste encore des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce point-là, s'il décide de lui faire miséricorde et lui pardonner le reste de ses péchés, hein, qui sont bien entendu des péchés qui sont moindres que le shirk, eh bien, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut le faire rentrer au paradis directement, hein, s'il veut. Mais il est possible également que Allah subhanahu wa ta'ala décide de le faire rentrer en enfer encore, hein, pour un certain temps. Et même si quelqu'un dit « Ah, mais c'est pas grave, parce que c'est l'enfer, c'est juste un certain temps, étant donné qu'il est mort sur le tawhid, il ne va pas rester éternellement, donc c'est pas si grave que ça ». Finalement, d'aller en enfer. Non, ça c'est faux. C'est-à-dire que c'est une mauvaise compréhension que tu as si tu penses que d'aller en enfer, même pour une seconde, que ça, c'est pas grave. Parce que la réalité, hein, Allah al-Musta'an, c'est que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné, si un homme parmi les hommes de la vie, hein, dans cette vie, qui avait goûté à tous les délices et tous les biens de ce monde, il se fait tremper dans l'enfer juste un instant, hein, un seul trempage, hein, on le trempe une seule fois, hein, ramsa wahida, il oublie tous les délices qu'il a connus dans ce monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il le met une seule seconde comme ça dans l'enfer, un instant, et c'est suffisant pour qu'il oublie tous les délices qu'il a eu dans son existence. Si c'est comme ça, juste pour un instant dans l'enfer, alors imagine ce que ça peut être d'être 500 ans, ou 1000 ans, ou 2000 ans, ou 10 000 ans. Hein? L'au-delà, c'est pas comme ce monde, c'est pas comme ce bas monde. Regardez la vie qu'on est en train de passer sur cette terre. Quand on va être ressuscité, c'est comme Allah il le dit dans le Coran, quand on va être ressuscité, on va nous demander combien de temps étiez-vous resté sur terre. Et ils vont dire, on est resté peut-être une journée ou une demi-journée. Comme si le temps nous paraît tellement court, comme si c'était juste un rêve. Et même ta vie à toi aujourd'hui, si tu réfléchis au nombre de jours que tu as passé sur terre jusqu'à aujourd'hui, et que tu te rappelles de ça, ça te semble dans ton esprit comme si ça a pris quelques instants seulement, comme si ta vie entière n'avait duré que quelques minutes, alors qu'en réalité ça a duré des années et des années. Hein? Alors, subhanallah, hein, justement, je pensais à ça, parce qu'il y a quelques jours, c'était le jour de la date de ma naissance. Donc, quand, je pense que c'était c'est hier en fait, hier. Donc, j'ai atteint l'âge de, je dirais pas mon âge. Mais, non, il n'y a pas de honte, mais bon. Barakallahu fik. C'est pas par honte que je veux pas le dire, c'est plus par. Comme ça. j'ai dépassé l'âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lorsqu'il est devenu prophète. De quelques années. Donc c'est pour dire que on va voir ça, on trouve que c'est court, hein, on trouve que ça s'est passé vite, alors qu'en réalité c'est long, la vie, hein. Alors imaginez pour la vie dans l'au-delà, l'enfer, si on vous imaginez si on a vécu 100 ans dans cette vie et que quelqu'un il a vécu 100 ans dans la souffrance et dans la maladie, qu'il a trouvé ça dur, imaginez 500 ans dans l'enfer. A'udhu billah. Donc c'est pour dire, Yanni, hein, c'est pas quelque chose de petit, c'est pas quelque chose que tu peux dire, ah c'est pas grave. Hein. C'est exactement ça. Ça c'est là, c'est vrai. Comme tu dis, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alfa sanatin mimma ta'uddun. Yanni, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Il dit que le jour de la résurrection, c'est une journée, un seul jour, mais il dure 50 000 ans. 50 000 ans, subhanallah. Et c'est une seule journée. Donc le temps, c'est relatif. Hein? Tout le monde le sait, ça. Des fois, tu regardes les secondes et tu as l'impression qu'elles passent comme des heures. Hein? Quand il y a quelque chose, t'es pressé, tu regardes les secondes passées, on dirait qu'elles sont ralenties. Alors que dans d'autres situations, tu trouves que le temps il va trop vite, les minutes passent comme des secondes. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tout ça c'est relatif, mais c'est pour dire, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, le jour de la résurrection pour les croyants, ça va passer comme quelques minutes. Même malgré que c'est 50 000 ans, mais pour les croyants, ça va passer comme quelques minutes. Donc tout ça, comme on dit, c'est relatif. Hein? Et c'est relatif à quoi? Relatif à la foi. Relatif à la foi de la personne et à sa situation par rapport à Allah et par rapport à sa religion. Hein? Pas relatif comme ça dans le vide, comme les gens aujourd'hui disent. Oh, mais c'est relatif. Comme si tout est relatif. Donc pour eux, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de faux parce que tout est relatif. Ça c'est pas une vraie relativité. Ça c'est une fausse, c'est une relativité vague qui a aucun sens en réalité. Non, quand on dit que les choses sont relatives, il faut qu'il y ait un point de repère quand même, sinon les choses deviennent insensées et absurdes. Hein? Oui, donc il y en a qui vont rentrer au paradis directement parmi les croyants, et il y en a d'autres qui vont durer, hein, en enfer un certain temps et qui éventuellement parmi les croyants vont aller par la suite au paradis après avoir goûté au châtiment. Mais par contre, la condition de ça, c'est que la personne soit morte sur le tawhid et qu'elle n'ait pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur. D'accord? Et ensuite, le cheikh, il explique le point suivant. فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع ترجح بجميع السيئات أو ترجح بجميع السيئات فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم. Donc le cheikh il dit, le cheikh Al-Fawzan à propos de ça, il dit donc cette grande hasana qui est le tawhid, elle pèsera plus lourd dans la balance des actions que tous les péchés que cette personne-là a commis. Hein? Donc, il dit, Cheikh Al-Fawzan, Al-Hasanatul Azima, hiya Hasanatul Tawhid. Wa hiya al-muradu bi qawlihi ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Wahum min faza'in. Wahum min faza'i yawmi idhin aminun. Et il dit, wa qawluhu ta'ala. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار وهذه سيئة الشرك. يعني سبحان الله, quand tu comprends, quand tu يعني écoutes les explications, tu lis les explications des ulama de la sunna, et quand ils expliquent le tawhid, tu vois l'harmonie qu'il y a dedans, hein, dans la aqida et dans la foi et dans la compréhension des versets, tu vois l'harmonie. Hein, tu comprends, chaque chose prend son sens. Et ici, le cheikh, il explique que la bonne action, la plus grande de toutes les bonnes actions d'une personne, c'est la bonne action du tawhid. Et il dit, c'est ce que cela signifie dans la parole d'Allah, c'est An-Naml, le verset 89. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie, quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. Hein? On va lui donner quelque chose de meilleur encore. Hein? Celui qui viendra avec le bien, on lui donnera quelque chose de meilleur que ce bien. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de l'effroi. Hein? Ils seront en sécurité de l'effroi, c'est-à-dire de la peur, de la crainte. Et de quel bien il s'agit quand Allah il dit, hein, celui qui viendra avec le bien. De quel bien il parle? Le cheikh il dit ici, il s'agit du bien du tawhid. Donc celui qui viendra avec le bien du tawhid, Allah lui donnera un bien qui sera mieux encore, meilleur encore, c'est-à-dire le paradis. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de l'effroi. Ils seront à l'abri de la crainte et de l'effroi, de la crainte du paradis. Et dans le verset 90, hein, le verset qui suit, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Et quiconque viendra avec le mal, le cheikh il dit, de quel mal il s'agit ici? Il s'agit du mal du shirk. Hein? Ils seront culbutés le visage dans le feu. Donc, ça c'est une explication ici. Après, le cheikh il explique, il dit, وَإِنْ كَانَ فَتَدَبَّرْ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّهُ عَظِيمٌ. Donc réfléchis, médite sur ce hadith-là, car il est, hein, extrêmement grand en sens et en signification. Et Cheikh Al-Fawzan dit, هَذَا الْحَدِيثَ فِيهِ أُصُولُ الْإِيمَانِ وَفِيهِ فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ. Il dit, ce hadith-là, il y a dedans les fondements de la foi. Et il y a dedans également le mérite du tawhid et ce que le tawhid efface et expie comme péché. Hein? Subhanallah. Donc, c'est ça qui est bien lorsque on rentre en profondeur dans les preuves et les explications du tawhid d'Allah. On en sort avec une compréhension profonde et beaucoup plus détaillée de la réalité de ce que signifie le tawhid. Et on comprend le livre de Kitab al-Tawhid, on le comprend avec beaucoup plus de profondeur. Parce que n'importe quel musulman, et en particulier si quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, il va lire le livre traduit de Kitab al-Tawhid, et je suis presque certain, illa man rahim Allah, que si tu donnes Kitab al-Tawhid avec dans la traduction de Kitab al-Tawhid, surtout les anciennes traductions, enfin, maintenant il y a des meilleures traductions qu'avant, mais à l'époque, moi je me rappelle, j'avais reçu les traductions de Kitab al-Tawhid, j'en avais une traduction en anglais et une traduction en français. Au début, lorsque je me suis converti, j'avais reçu ces livres-là, ils les donnaient gratuitement. Et je lisais, j'avais beau lire la traduction, mais je ne comprenais pas du tout le sens, ni le sens des titres, des chapitres, ni leur signification. Et les preuves qui sont mentionnées, bon, certaines d'entre elles qui sont très simples et claires, on arrive à les comprendre, mais en même temps, tout ce qu'elles peuvent contenir comme fiqh et comme adilla, les détails de ça et la compréhension qui est derrière, ça, si t'as pas des ulama pour t'expliquer, tu passes par-dessus l'essence et tu passes sans même réellement comprendre la profondeur de ces propos-là, les versets d'Allah et les hadiths. Donc il y a certaines choses qui sont claires, mais parfois la traduction fait en sorte que tu manques beaucoup des profondeurs et des réalités qui sont dans les termes qui sont employés. Et par contre, quand tu le lis en arabe, déjà là, c'est beaucoup mieux, parce que ça t'aide déjà à comprendre les termes qui sont employés. Et une fois que tu lis le livre avec l'explication des ulama, eh bien là, ça devient quelque chose d'autre. C'est comme si tu avais un voile sur les yeux, puis on te l'enlève. C'est comme si tu dis, waouh, subhanallah. Tu dis, maintenant je comprends un peu mieux. Et ça, c'est juste le début, parce que il y a différents degrés de, ou pas degrés, mais différents shuruh de Kitab al-Tawhid. Il y a différents shuruh. Quand on dit shuruh, ça veut dire les explications du livre, les commentaires du livre. Donc, il y a les shuruh qui sont simples, résumés, c'est seulement des petits commentaires, ta'liqat, des petites ta'liqat rapides. Donc le cheikh, il va faire un petit commentaire, il va expliquer le sens général, juste pour que tu comprennes qu'est-ce que ça signifie. Donc, l'exemple de ça, le charh de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, je pense que c'est Al-Qawl al-Sadid, de Kitab al-Tawhid. Le Cheikh, il fait à peine quelques petits commentaires à la fin de chaque chapitre, puis il t'explique seulement les grandes règles de chaque chapitre. Et déjà ça t'aide à comprendre un peu plus. Puis il y a d'autres charh un peu plus détaillés, où ils vont donner plus d'explications, donner plus d'exemples. Et après, il y en a d'autres encore plus approfondis. Donc celui-là, déjà, il est quand même bien. Mashallah, on dirait que c'est un charh intermédiaire entre résumé et détaillé, entre les deux. Parce qu'il y a des charh encore plus élaboré que ça. Déjà, Qurrat Uyun al-Muwahidin, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a écrit Qurrat Uyun al-Muwahidin. C'est un résumé, ou c'est encore plus résumé que son charh Fath al-Majid. Fath al-Majid, il est plus élaboré que Qurrat Uyun al-Muwahidin. Et c'est le même Cheikh. Et il y a un des shuruh les plus détaillés, les plus élaborés, c'est Taysir al-Aziz al-Hamid, de Suleyman, je pense que c'était un des petits-fils de Cheikh Abdurrahman, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et lui, c'est le plus élaboré, le plus détaillé de tous les shuruh. Et donc imaginez si là, avec qu'est-ce qu'on a commencé à lire, on comprend beaucoup de points, on est juste au deuxième chapitre. Donc imaginez qu'est-ce que ça va être si on arrive à un jour profiter. Bon, moi, je propose que d'ici à ce qu'on arrive à ce charh là, que tout le monde qui écoute les, qui ont écouté le charh ou la traduction de ce charh, eh ben, ils auront déjà appris l'arabe, inshallah. Comme ça, ils pourront lire Taysir al-Aziz al-Hamid en arabe directement. Mais parce que, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas l'intention de faire la traduction de Taysir al-Aziz al-Hamid. Je pense qu'il faut se mettre des limites. Hein? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mon frère, pourquoi tu fais pas la traduction de tel livre, ou de tel livre, ou de tel livre? Je dis, wow, il faut pas exagérer, comme on dit. Parce que sinon, à quoi ça sert? Hein? On a besoin de lire ces livres-là en arabe pour profiter de, pleinement de ces livres, de la réalité de tous les bienfaits qu'il y a dedans. Et comme Cheikh Al-Fawzan, il l'a dit lui-même, il a dit, la base, c'est pas qu'on traduise tous les livres, c'est, la base, c'est que les gens apprennent l'arabe pour les comprendre. Parce que beaucoup des peuples, parmi les peuples qui se sont convertis à l'islam, à la base, ils n'étaient pas arabophones, et pourtant, parmi ces différents peuples-là, on a vu sortir des plus grands ulama de l'islam. Hein? Et ils ont tous appris l'arabe. L'imam al-Bukhari, l'imam Abu Daoud, l'imam al-Tirmidhi, l'imam ibn Majah, tout ça, c'est des noms arabes. Ils ne sont pas arabes, à la base. Hein? Donc, on voit... Hein, le bienfait qu'il y a eu dans le fait que ces gens-là ont compris l'importance de l'arabe dans le but de connaître la religion d'Allah, et l'arabe s'est propagé de cette façon-là. Les Égyptiens, ils parlaient pas arabe. Les gens du nord de l'Afrique, ils parlaient pas arabe. Hein? Beaucoup de gens dans plusieurs pays, ils étaient pas arabophones. Ils ont appris l'arabe. Hein? Ils sont devenus arabophones. Et pourquoi ils sont devenus arabophones? Pour apprendre la religion d'Allah. Et pour pouvoir comprendre la religion d'Allah. C'est ça l'important. Hein? Puis par la suite, c'est devenu leur langue. Hein? Alhamdoulilah. Donc, dans tous les pays musulmans, la langue officielle principale devrait toujours, dans tous les pays musulmans, devrait être l'arabe. Même dans les pays non arabes. Les enfants, ils devraient tous apprendre à l'école l'arabe. Et ça devrait être la langue de tous les pays musulmans. Et la langue secondaire, après, s'ils veulent parler leur langue locale, alhamdoulilah. Mais au lieu de ça, maintenant, la langue principale, c'est devenu l'anglais, le français, la langue des juifs et des chrétiens. Hein? La langue des pays juifs et des pays chrétiens, et des athées, c'est leur langue à eux qui est devenue la langue générale pour les pays musulmans. Donc ça veut dire quoi, ça? Hein? Allah al-Musta'an. Il y en a qui n'ont aucun problème avec ça. Que la langue des koufars, ce soit la langue des musulmans. Mais, si tu proposes à des pays musulmans, on va faire de la langue arabe, la langue de tous les pays musulmans, hein, puis tout le monde va faire la langue officielle, ça va être la langue arabe, ah, là tu vois comment ça va avoir des objections. Ah non, mais pourquoi l'arabe? Mais non, on n'est pas des arabes. Quoi, vous êtes des anglais? Vous êtes des français? Hein? Allah al-Musta'an. Bon, et ensuite, le Cheikh, il dit, est-ce qu'on a lu ça? Oui, on a lu ça. Ok, maintenant, on passe au deuxième hadith qui est rapporté dans le chapitre, hein, dans le chapitre qu'on est en train de lire. C'est un hadith rapporté par Itban. Il dit, وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tel que c'est rapporté selon Itban, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'enfer celui qui a dit « La ilaha illallah » et qui l'a dit en recherchant, il a dit cela en recherchant le visage d'Allah. Hein? Il a dit cela en recherchant le visage d'Allah. C'est-à-dire avec sincérité. Et le cheikh, donc, il explique ce hadith. Il dit, Hadithu Itban ibn Malik al-Ansari, radiyallahu anhu, lahu qissa. Lakin al-musannif, rahimahullah, akhadha minhu mahall ash-shahid faqat. Wal hadith asluhu anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam jaa ila Itban ibn Malik fi manzilihi wa ma'ahu ba'd ashabihi fajalasa 'inda Itban fi baytihi wa su'ila 'an rajulin lam yahdhur majlis ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqalu lahu Malik ibn ad-Dukhsham الدخشم أو دخشم فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يقول لا إله إلا الله قالوا الله ورسوله أعلم أما نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc il dit le cheikh que le compagnon qui a rapporté ce hadith, il s'appelle Itban ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Et le hadith en question, il y a une histoire qui vient avec. Il y a une histoire qui est mentionnée avec. Sauf que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il s'est limité à mentionner le point important du hadith. Et souvent, il fait ça, hein, le cheikh ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, il va se concentrer sur la partie du hadith qui prouve le point qu'il veut établir pour faire en sorte que le livre soit plus concis et que les preuves soient plus directes. Mais le cheikh, il dit par contre, hein, il y a une histoire reliée à ce hadith-là et il mentionne l'histoire. Il dit à la base, le hadith, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était venu voir Itban ibn Malik chez lui, dans sa maison. Et il avait des compagnons à lui qui était présent dans sa maison avec lui. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est assis, hein, chez Utban, dans sa maison, et on a posé la question à propos de quelqu'un qui n'avait pas été, hein, présent, qui n'était pas présent, hein, à ce moment-là, avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la maison de Utban, et le nom de cette personne, c'était Malik Ibn Durcham ou Ibn Durcham. Alors, un homme parmi ceux qui étaient présents a dit, celui-là c'est un hypocrite. Il n'aime pas Allah et son messager. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'il dit la ilaha illallah? Ne dit-il pas la ilaha illallah? C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et eux, ils ont répondu en disant, Allah et son messager savent mieux. Alors, ils ont dit, en ce qui nous concerne, on ne le voit donner son affection et on ne le voit donner son amour ou son affection et parler qu'avec les hypocrites. Hein? Donc, ils se sont basés sur son entourage, bien les gens avec qui ils parlent. Hein? Ils ont déduit par ça que c'est un hypocrite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, Allah a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah et qui recherche par cela le visage d'Allah. C'est-à-dire, celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité, hein, eh bien Allah lui interdit l'enfer, ou bien interdit à l'enfer de le toucher. Et donc, ici, le hadith en question, il est rapporté par Abu Daoud al-Tayalisi dans sa Musnad, et il dit qu'il est également rapporté par l'imam Ahmad, et il est authentifié par Al-Arnaout. Et donc, ça c'est par rapport à ce hadith-là. Maintenant, le cheikh, il explique que lorsqu'il mentionne, il dit « Wa lahuma » c'est-à-dire les deux, hein, en parlant de ceux qui ont rapporté le premier hadith qui a été rapporté dans le chapitre, hein, quand il l'a rapporté, pour sauver, et en est probablement pour résumer, pour aller plus vite ou pour aller plus rapidement, il résume le cheikh. Donc il dit par exemple akhrajahu, c'est-à-dire les deux l'ont rapporté. Et ici il dit walahuma, c'est-à-dire et les deux, ces deux-là, c'est-à-dire les deux qui l'ont rapporté, en parlant de Al-Bukhari et Muslim. Hein, ces deux-là, ils l'ont rapporté, ils ont également rapporté le hadith d'Idban. Et il dit هذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك وإن لم يكن صادقا فهو منافق والمخلص أن يقولها مخلصا مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال به الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال الخليل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On va continuer la suite de l'explication au prochain cours. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Donc, est-ce, vous avez des questions ou des choses? Oui? C'est ça. C'est Abdullah wa Rasuluhu. Donc, c'est un esclave d'Allah, une créature, et son messager. Hein? Donc, les deux parties, comme les ulama ils l'ont expliqué, Abdullah, ça réfute les chrétiens. Wa Rasuluhu, hein? Ça réfute les chrétiens et les juifs aussi. Parce que les chrétiens, ils ont dit qu'il était Ibnullah. Donc, le fait de dire qu'il est Abdullah, ça réfute les chrétiens. Puisqu'il n'est pas le fils d'Allah, il est un esclave, un serviteur d'Allah, une créature d'Allah. Et, wa rasuluhu, ça réfute les juifs parce que les juifs, eux, ont renié qu'il était un messager. Hein? Donc, dans le fait de dire il y a une réfutation des deux groupes, des juifs et des chrétiens. Ils ont dit des paroles, les juifs et les chrétiens, ils ont dit des choses par passion, parce qu'ils ont suivi leur passion, ou bien par arrogance, ou par orgueil, ou par ou bien par ignorance. En fait, Akhi, tu vois, si par exemple c'est des juifs ou des chrétiens qui ont cru. Les mouchriquines, c'est pas des juifs et des chrétiens. Non, les mouchriquines, c'est tous les êtres humains sur terre qui font du shirk avec Allah, peu importe leur religion, yani juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, athées ou autres. Yani, tout ça, c'est des mouchriquines. Yani. Mais les juifs et les chrétiens, qu'est-ce qui est particulier, comme on le sait, c'est qu'eux, ils ont reçu des livres et des prophètes. Hein? Sauf que le problème, c'est qu'ils ont déformé le message de leurs prophètes et ils ont renié parfois certains des messagers, certains des livres. Donc, à cause de ça, ils sont sortis de la foi. C'est ça, en fait. Mais si, par exemple, un juif, de l'époque de Moussa qui a cru réellement en Moussa alayhi salam et qui ont suivi sa religion sans déformer et qui ont cru en tous les messagers, ceux-là ils sont des muslimines, ce sont des musulmans. De même que les chrétiens qui ont cru en Isa alayhi salam mais qui n'ont pas cru qu'il était Dieu ou fils de Dieu ou qui n'ont pas cru en la Trinité, qui ont su que c'était un messager et un serviteur d'Allah, et qui n'ont pas fait de shirk avec lui, et qui ont cru en tous les messagers, ben, c'est-à-dire si c'était avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, ils sont des musulmans eux aussi. Toutefois, si c'est après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran et de l'islam, et qu'ils n'ont pas voulu y croire et l'accepter, hein, et qu'en plus de ça, ils ont déformé les enseignements de Isa alayhi salam et ils ont fait le shirk avec lui en disant qu'il était Dieu, au fils de Dieu, et en lui offrant des prières et des actes d'adoration à lui ou à sa mère ou à des saints, hein, en dehors d'Allah, ou ils ont adoré la croix, alors dans ce cas-là, ils ne sont pas des croyants, ils sont des mouchriquins. Hein. Mais on les appelle quand même des gens du livre parce qu'ils ont un lien avec le livre, un certain lien avec le livre, même s'ils l'ont déformé, même s'ils l'ont falsifié, mais c'est pour les rapprocher plus de l'islam que Allah les appelle comme ça. Il les appelle des gens du livre pour leur faire un rappel qu'ils ont un lien avec le livre et avec les messagers, donc ils sont proches de l'islam, plus que les autres mouchriquins. Donc à cause de ce lien-là, ils peuvent accepter le message de l'islam plus facilement. Donc c'est ça le but en fait. Bien sûr, toute connaissance supplémentaire, toute connaissance dans la religion, ça implique une responsabilité plus grande. Naam. L'imam Shawkan, il a écrit un livre comme ça, il expliquait, plus une personne a du savoir dans la religion, plus qu'il a une grande responsabilité de vis-à-vis de cette science-là, de le mettre en pratique. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère avec les juifs, il est en colère avec eux, comme il dit dans le Coran, parce que ils savent la religion très bien, et ils savent que l'islam est la vérité, mais ils refusent de l'accepter. Donc il est en colère contre eux à cause de ça, tu vois. Non, je regarde des vidéos, j'ai vu des vidéos des juifs, des rabbins qui parlent de l'islam, puis tu vois clairement que ils reconnaissent que l'islam c'est la vérité, yani, subhanallah. Ils reconnaissent que, hein, ils ont posé des questions à leur rabbin, est-ce que on a le droit d'aller prier dans une mosquée? Ils ont dit oui. Le juif, il a le droit d'aller prier dans une mosquée parce qu'il n'y a rien d'autre qui est adoré dedans que Allah. Et le pire, c'est que Allah al-Musta'an, j'en ai entendu un, il parlait, il disait que il y a un endroit où ils vont adorer quelque part en Jérusalem, ou je ne sais pas où, quelque part dans ce coin-là. Ils disent qu'il y a une mosquée où supposément il y a la tombe de Ibrahim alayhi salam. Puis eux, ils disent dans cet endroit-là, les juifs et les musulmans, ils vont prier ensemble. Et je me suis dit, subhanallah, nous les musulmans, on n'a pas le droit d'aller prier là où il y a une tombe. Et eux, ils prennent comme témoin ou comme exemple le lieu où les musulmans vont pour faire des bid'a ou du shirk, et ils prennent ça comme référence pour justifier ou pour dire qu'ils ont le droit d'aller là, eux, parce que les juifs, c'est eux qui ont commencé ça, l'adoration des tombes et des saints, hein, et des prophètes. Et les chrétiens ont suivi là-dedans, et c'est ça le malheur, yani. Et donc là maintenant, certains musulmans qui le font, hein, et les juifs, ils disent oui, ça c'est comme si pour essayer de les dire continuez à faire le shirk, vous les musulmans, on est d'accord avec vous là-dedans. C'est ça. C'est comme si au lieu de donner un bon exemple, il ramène un exemple dans lequel il y a un égarement, puis il essaie d'enfoncer les musulmans dedans. Donc ça, c'est des exemples pour dire que ces gens-là, ils savent la vérité, franchement. Et le fait que jusqu'à maintenant, ils attendent le Messie, puis que ça fait plus que 2000 ans, là, et yani, le prophète, il est venu depuis 1400 ans, ils ne l'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu croire en lui, puis eux, ils continuent à attendre. Alors qu'ils voient qu'il n'y en a pas. Hein? Qu'est-ce qu'ils attendent? Oui, c'est vrai. Ça, c'est clair. C'est une excuse. C'est une excuse de leur part. Parce que franchement, si tu regardes leur religion, c'est clair qu'elle n'est pas... Les choses qu'ils ont dans leur religion, ils ne sont même pas capables de l'appliquer eux-mêmes. Combien il y a de juifs? Il n'y a pas beaucoup de juifs dans le monde maintenant par rapport à d'autres peuples. Et si tu compares ça, tu dis waouh, hein? Il y a peu de juifs, et parmi eux, combien on peut dire qu'ils sont pratiquants? C'est peut-être même pas 10% parmi les juifs qui sont pratiquants de leur religion. Donc c'est pour dire, si même ils voulaient l'appliquer, ils ne seraient même pas capables. Parce que les règles de leur religion sont pas adaptées, hein, pour être appliquées de façon universelle. Hein. Parce qu'ils ont refusé de croire en tous les messagers qui sont venus pour leur adapter leur religion, ou pour clarifier leur religion pour eux, simplifier la religion pour eux. Comme par exemple Isa alayhi salam, Jésus, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Donc, ça c'est parmi les raisons, wallahu a'lam. Et puis, je sais pas, est-ce que tu voulais demander un autre, tu avais une autre question aussi par rapport au sujet du cours, ou bien. Exact. C'est vrai. Ben, tu vas voir que dans ce chapitre et dans les autres aussi, il y a beaucoup d'explications, de mentions justement des conditions de la ilaha illallah. Et comme là, par exemple, le hadith qui dit « Inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah »« Yabtari bidhalika wajhullah » Ça implique, comme le cheikh va l'expliquer au prochain cours, inshallah, « As-sidq wal-ikhlas » Et donc, as-sidq wa l'ikhlas, ça fait partie des conditions de la ilaha illallah. Donc, il y a al-ilm, hein, il y a al-yaqin, al-ikhlas, as-sidq, al-qaboul, al-inqiyad et al-mahabba. Donc, ça fait partie des conditions. Et ces conditions-là c'est-à-dire qu'elles sont reliées directement avec le témoignage, parce que on peut pas témoigner de quelque chose sans respecter ces conditions-là, et surtout en particulier les conditions de la ilaha illallah. Hein? Si quelqu'un les respecte pas ces conditions, c'est comme s'il a pas témoigné du tout. Et des hadiths et des versets, parce que ouais, exactement, parce que en fait Tout témoignage a des conditions. Et c'est évident que le témoignage de la ilaha illallah, il doit avoir des conditions aussi. Et ces conditions-là, comme tu dis, elles sont tirées du Coran et de la Sunna. Et yani, quand tu les lis, tu les vois, elles sont évidentes. Peut-être que certains musulmans, ils ne les ont pas apprises par cœur, ces conditions-là, ou bien ils ne les ont pas apprises en ordre. Mais beaucoup d'entre ces conditions-là, ils les appliquent ou ils les connaissent. Non, c'est ça, c'est sûr. Si, dans le sens qu'il y a beaucoup de musulmans qui peut-être disent la ilaha illallah sans savoir qu'est-ce que ça signifie réellement. Oui, mais en même temps, bon, il y en a par contre qui sont peut-être sur la fitra et qui connaissent pas nécessairement tous les détails de ces conditions-là, mais ils le comprennent. Hein? Ils le comprennent. Si tu leur expliques, hein, ils vont l'accepter direct parce que c'est quelque chose qui est clair, qui est évident, et l'épreuve, ça vient juste rajouter encore plus de clarté à ces conditions-là. Donc c'est pas des conditions qui sont mystérieuses ou bien qui sont compliquées à comprendre ou qui sont très loin de la réalité, non. C'est des conditions de la ilaha illallah qui sont presque évidentes lorsque tu les vois. Hein? Donc, c'est pas compliqué. La connaissance, qui va renier que pour que quelqu'un témoigne de la ilaha illallah, il faut qu'il comprenne sa signification, il faut qu'il connaisse sa signification. Si quelqu'un renie ça, ça veut dire qu'il a pas de, hein? Il n'utilise pas sa tête. Hein, il n'a pas de raison. Sans compter le fait qu'il renie même les choses qui sont établies dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Donc comment tu vas témoigner de quelque chose puis tu le connais pas? Même dans la vie, dans les affaires de la dunya, quelqu'un, si on t'amène un contrat, on te dit viens, signe ça. Bien sûr que l'iman, ça implique la connaissance. La foi implique la connaissance parce que tu peux pas avoir une foi sans savoir en quoi tu dois avoir la foi. Et ça implique de connaître. Hein, si je te dis crois, mais il faut que tu crois en quoi et comment. Il faut savoir qu'est-ce que ça implique. Et ça c'est pour ça que les ulama, quand ils ont expliqué dans Al-Usul al-Thalatha, yani al-ilm, hein, na'am, wa yani i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Donc al-ilm ici, il s'agit, hein, de bien entendu, parce que quand il a mentionné le verset qui est relié à ça, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc ils ont dit al-'ilm dans ce verset, c'est illa alladhina amanu, parce que quand tu dis, hein, amantu billah, ça implique que tu sais, hein, tu dois connaître qu'est-ce que c'est la foi et en quoi ça consiste. Et wa amilu salihat, c'est l'application, hein, wa tawasaw bil haqqi, c'est le fait d'appeler et d'inviter à la vérité, wa tawasaw bis sabr, c'est as-sabr 'ala al-adha fihi. Donc c'est les quatre fondements qui comprennent en fait la signification de jihadun nafs, c'est ces quatre principes là. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.